La cérémonie d'ouverture du 15e Festival international de cinéma de Pyongyang a eu lieu le 16 courant au Palais central de la jeunesse. Y ont pris part Yang Hyun-so, vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les officiels intéressés, les créateurs et artistes du secteur cinématographique, les travailleurs de Pyongyang, les délégations, délégués et membres de jury international conviés au festival. Y ont été invités les couples des représentants diplomatiques et des institutions internationales, les attachés militaires, les chargés de la culture, ainsi que d'autres hôtes étrangers en Corée. On y a présenté les films artistiques de long métrage, les documentaires et films à court métrage, ainsi que les films à projeter spécialement. À la suite du discours d'ouverture, on a proclamé l'ouverture du festival, arboré le drapeau du festival et présenté les membres de jury international. À la suite des interventions, on a présenté les prix du festival, suivi du spectacle des artistes de la troupe artistique nationale d'État. Au terme de la cérémonie d'ouverture, les participants ont vu le film russe « Le poste frontalier calme ». Le même jour, le comité d'organisation du festival a offert un banquet en l'honneur des festivaliers au restaurant Hongyu.